Le Prince de Nicolas Machiavel. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 23. Comment on doit fuir les flatteurs. Je ne négligerai point de parler d'un article important et d'une erreur dont il est très difficile aux princes de se défendre s'ils ne sont doués d'une grande prudence et s'ils n'ont l'art de faire de bons choix. Il s'agit des flatteurs, dont les cours sont toujours remplis. Si, d'un côté, les princes aveuglés par l'amour-propre ont peine à ne pas se laisser corrompre par cette peste, de l'autre, ils courent un danger en la fuyant. C'est celui de tomber dans le mépris. Ils n'ont effectivement qu'un bon moyen de se prémunir contre la flatterie. C'est de faire bien comprendre qu'on ne peut leur déplaire en leur disant la vérité. Or, si toute personne peut dire librement à un prince ce qu'elle croit vrai, il cesse bientôt d'être respecté. Quel parti peut-il donc prendre pour éviter tout inconvénient? Il doit, s'il est prudent, faire choix dans ses états de quelques hommes sages et leur donner, mais à eux seuls, liberté entière de lui dire la vérité, se bornant toutefois encore aux choses sur lesquelles il les interrogera. Il doit, du reste, les consulter surtout, écouter leurs avis, résoudre ensuite par lui-même. Il doit encore se conduire, soit envers tous les conseillers ensemble, soit envers chacun d'eux, en particulier, de manière à les persuader qu'il lui agrée d'autant plus qu'il parle avec plus de franchise. Il doit enfin ne vouloir entendre aucune autre personne, agir selon la détermination prise et s'y tenir avec fermeté. Le prince qui en use autrement est ruiné par les flatteurs, où il est sujet à varier sans cesse, entraîné par la diversité des conseils, ce qui diminue beaucoup sa considération. Sur quoi je citerai un exemple récent. Le prêtre Lucas, agent de Maximilien, actuellement empereur, disait de ce prince qu'il ne prenait jamais conseil de personne et qu'il ne faisait jamais rien d'après sa volonté. Maximilien, en effet, est un homme fort secret qui ne se confie à qui que ce soit et ne demande aucun avis. Mais ses desseins venant à être connus à mesure qu'ils sont mis à exécution, ils sont aussitôt contredits par ceux qui l'entourent, et par faiblesse, il s'en laisse détourner. De là vient que ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain, qu'on ne sait jamais ce qu'il désire ni ce qu'il propose, et qu'on ne peut compter sur aucune de ses déterminations. Un prince doit donc toujours prendre conseil, mais il doit le faire quand il veut, et non quand d'autres le veulent. Il faut même qu'il ne laisse à personne la hardiesse de lui donner son avis sur quoi que ce soit, à moins qu'il ne le demande. Mais il faut aussi qu'il ne soit pas trop réservé dans ses questions, qu'il écoute patiemment la vérité, et que lorsque quelqu'un est retenu, par certains égards, de la lui dire, il en témoigne du déplaisir. Ceux qui prétendent que tel ou tel prince qui serait sage ne l'est point effectivement, parce que la sagesse qu'il montre ne vient pas de lui-même, mais des bons conseils qu'il reçoit, avancent une grande erreur. Car c'est une règle générale, et qui ne trompe jamais, qu'un prince qui n'est point sage par lui-même ne peut pas être bien conseillé, à moins que le hasard ne l'ait mis entièrement entre les mains de quelque homme très habile, qui seul le maîtrise et le gouverne, auquel cas du reste il peut, à la vérité, être bien conduit, mais pour peu de temps, car le conducteur ne tardera pas à s'emparer du pouvoir. Mais hors de là, et lorsqu'il sera obligé d'avoir plusieurs conseillers, le prince qui manque de sagesse les trouvera toujours divisés entre eux et ne saura point les réunir. chacun de ses conseillers ne pensera qu'à son propre intérêt, et il ne sera en état ni de les reprendre, ni même de les juger. D'où il s'ensuivra qu'il n'en aura jamais que de mauvais, car ils ne seront point forcés par la nécessité à devenir bons. En un mot, les bons conseils, de quelque part qu'ils viennent, sont le fruit de la sagesse du prince, et cette sagesse n'est point le fruit des bons conseils. Chapitre 24. Pourquoi les princes d'Italie ont perdu leurs états? Le prince nouveau qui conformera sa conduite à tout ce que nous avons remarqué sera regardé comme ancien, et bientôt même il sera plus sûrement et plus solidement établi que si son pouvoir avait été consacré par le temps. En effet, les actions d'un prince nouveau sont beaucoup plus examinées que celles d'un prince ancien. Et quand elles sont jugées vertueuses, elles lui gagnent et lui attachent bien plus les cœurs que ne pourrait faire l'ancienneté de la race. Car les hommes sont bien plus touchés du présent que du passé. Et quand leur situation actuelle les satisfait, ils en jouissent sans penser à autre chose. Ils sont même très disposés à maintenir et à défendre le prince, pourvu que, d'ailleurs, il ne se manque point à lui-même. Le prince aura donc une double gloire, celle d'avoir fondé un état nouveau, et celle de l'avoir orné, consolidé par de bonnes lois, de bonnes armes, de bons alliés et de bons exemples. Tandis qu'au contraire, il y aura une double honte pour celui qui, né sur le trône, l'aura laissé perdre par son peu de sagesse. Si l'on considère la conduite des divers princes d'Italie qui, de notre temps, ont perdu leurs états, tels que le roi de Naples, le duc de Milan et autres, on trouvera d'abord une faute commune à leur reprocher, c'est celle qui concerne les forces militaires, et dont il a été parlé au long ci-dessus. En second lieu, on reconnaîtra qu'ils s'étaient attiré la haine du peuple, ou qu'en possédant son amitié, ils n'ont pas su s'assurer des grands. Sans de telles fautes, on ne perd point des états assez puissants pour mettre une armée en campagne. Philippe de Macédoine, non pas le père d'Alexandre le Grand, mais celui qui fut vaincu par Quintus Flaminius, ne possédait qu'un petit état en comparaison de la grandeur de la République romaine et de la Grèce, par qui il fut attaqué. Néanmoins, comme c'était un habile capitaine et qu'il avait su s'attacher le peuple et s'assurer des grands, il se trouva en état de soutenir la guerre durant plusieurs années. Et si à la fin il dut perdre quelques villes, du moins il conserva son royaume. Que ceux de nos princes qui, après une longue possession, ont été dépouillés de leurs états, n'en accusent donc point la fortune, mais qu'ils s'en prennent à leur propre lâcheté. N'ayant jamais pensé dans les temps de tranquillité que les choses pouvaient changer, semblable à cela au commun des hommes qui, durant le calme, ne s'inquiètent point de la tempête, ils ont songé, quand l'adversité s'est montrée, non à se défendre, mais à s'enfuir, espérant être rappelés par leur peuple, que l'insolence du vainqueur aurait fatigué. Un tel parti peut être bon à prendre quand on n'en a pas d'autre. Mais il est bien honteux de s'y réduire. On ne se laisse pas tomber dans l'espoir d'être relevé par quelqu'un. D'ailleurs, il n'est pas certain qu'en ce cas un prince soit ainsi rappelé, et s'il l'est, ce ne sera pas avec une grande sûreté pour lui, car un tel genre de défense l'avilit et ne dépend pas de sa personne. Or, il n'y a pour un prince de défense bonne, certaine et durable que celle qui dépend de lui-même et de sa propre valeur. Chapitre 25. Combien dans les choses humaines la fortune a de pouvoir et comment on peut y résister? Je n'ignore point que bien des gens ont pensé et pensent encore que Dieu et la fortune régissent les choses de ce monde de telle manière que toute la prudence humaine ne peut en arrêter ni en régler le cours. D'où l'on peut conclure qu'il est inutile de s'en occuper avec tant de peine, et qu'il n'y a qu'à se soumettre et à laisser tout conduire par le sort. Cette opinion s'est surtout propagée de notre temps par une conséquence de cette variété de grands événements que nous avons cités, dont nous sommes encore témoins, et qu'il ne nous était pas possible de prévoir. Aussi suis-je assez enclin à la partager. Néanmoins, ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien, j'imagine qu'il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu'elle en laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir. Je la compare à un fleuve impétueux qui, lorsqu'il déborde, inonde les plaines, renverse les arbres et les édifices, enlève les terres d'un côté et les emporte de l'autre. Tout fuit devant ses ravages, tout cède à sa fureur. Rien n'y peut mettre obstacle. Cependant, et quelque redoutable qu'il soit, les hommes ne laissent pas, lorsque l'orage a cessé, de chercher à pouvoir s'en garantir par des digues, des chaussées et autres travaux, en sorte que, de nouvelles crues survenant, les eaux se trouvent contenues dans un canal et ne puissent plus se répandre avec autant de liberté et causer d'aussi grands ravages. Il en est de même de la fortune, qui montre surtout son pouvoir là où aucune résistance n'a été préparée, et porte ses fureurs là où elle sait qu'il n'y a point d'obstacle disposé pour l'arrêter. Si l'on considère l'Italie, qui est le théâtre et la source des grands changements que nous avons vus et que nous voyons s'opérer, on trouvera qu'elle ressemble à une vaste campagne qui n'est garantie par aucune sorte de défense. Que si elle avait été prémunie comme l'Allemagne, l'Espagne et la France contre le torrent, elle n'en aurait pas été inondée, ou du moins elle n'en aurait pas autant souffert. Me bornant à ces idées générales sur la résistance qu'on peut opposer à la fortune, et venant à des observations plus particularisées, je remarque d'abord qu'il n'est pas extraordinaire de voir un prince prospérer un jour et déchoir le lendemain, sans néanmoins qu'il ait changé, soit de caractère, soit de conduite. Cela vient, ce me semble, de ce que j'ai assez longuement établi qu'un prince qui s'appuie entièrement sur la fortune tombe à mesure qu'elle varie. Il me semble encore qu'un prince est heureux ou malheureux, selon que sa conduite se trouve ou ne se trouve pas conforme au temps où il règne. Tous les hommes ont en vue un même but, la gloire et les richesses. Mais dans tout ce qui a pour objet de parvenir à ce but, ils n'agissent pas tous de la même manière. Les uns procèdent avec circonspection, les autres avec impétuosité. Ceux-ci emploient la violence, ceux-là usent d'artifice. Il en est qui sont patients, il en est aussi qui ne le sont pas du tout. Ces diverses façons d'agir, quoique très différentes, peuvent également réussir. On voit d'ailleurs que de deux hommes qui suivent la même marche, l'un arrive et l'autre n'arrive pas. Tandis qu'au contraire, deux autres qui marchent très différemment, et par exemple l'un avec circonspection et l'autre avec impétuosité, parviennent néanmoins pareillement à leur terme. Or, d'où cela vient-il, si ce n'est de ce que les manières de procéder sont ou ne sont pas conformes au temps? C'est ce qui fait que deux actions différentes produisent un même effet, et que deux actions pareilles ont des résultats opposés. C'est pour cela encore que ce qui est bien ne l'est pas toujours. Ainsi, par exemple, un prince gouverne-t-il avec circonspection et patience? Si la nature et les circonstances des temps sont telles que cette manière de gouverner soit bonne, il prospérera. Mais il déchaira au contraire si la nature et les circonstances des temps changeant, il ne change pas lui-même de système. Changer ainsi à propos, c'est ce que les hommes, même les plus prudents, ne savent point faire. Soit parce qu'on ne peut agir contre son caractère, soit parce que lorsqu'on a longtemps prospéré en suivant une certaine route, on ne peut se persuader qu'il soit bon d'en prendre une autre. Aussi l'homme circonspect, ne sachant point être impétueux quand il le faudrait, est lui-même l'artisan de sa propre ruine. Si nous pouvions changer de caractère selon le temps et les circonstances, la fortune ne changerait pas. Le pape Jules II fit toutes ses actions avec impétuosité. Et cette manière d'agir se trouva tellement conforme au temps et aux circonstances que le résultat en fut toujours heureux. Considérez sa première entreprise, celle qu'il fit sur Bologne, du vivant de Messire Giovanni Bentivogli. Les Vénitiens la voyaient de mauvais œil, et elle était un sujet de discussion pour l'Espagne et la France. Néanmoins, Jules s'y précipita avec sa résolution et son impétuosité naturelle, conduisant lui-même en personne l'expédition. Et par cette hardiesse, il tint les Vénitiens et l'Espagne en respect, de telle manière que personne ne bougea. Les Vénitiens parce qu'ils craignaient, et l'Espagne parce qu'elle désirait recouvrer le royaume de Naples en entier. D'ailleurs, il entraîna le roi de France à son aide, car ce monarque, voyant que le pape s'était mis en marche et souhaitant gagner son amitié dont il avait besoin pour abaisser les Vénitiens, jugea qu'il ne pouvait lui refuser le secours de ses troupes sans lui faire une offense manifeste. Jules obtint donc, par son impétuosité, ce qu'un autre n'aurait pas obtenu avec toute la prudence humaine. Car s'il avait attendu pour partir de Rome, comme tout autre pape aurait fait, que tout eût été convenu, arrêté, préparé, certainement il n'aurait pas réussi. Le roi de France, en effet, aurait trouvé mille moyens de s'excuser auprès de lui, et les autres puissances en auraient eu tout autant de l'effrayer. Je ne parlerai point ici des autres opérations de ce pontife qui, toutes conduites de la même manière, eurent pareillement un heureux succès. Du reste, la brièveté de sa vie ne lui a pas permis de connaître les revers qu'il eût probablement essuyés s'il était survenu dans un temps où il eût fallu se conduire avec circonspection. Car il n'aurait jamais pu se départir du système de violence auquel ne le portait que trop son caractère. Je conclus donc que, la fortune changeant et les hommes s'obstinant dans la même manière d'agir, ils sont heureux tant que cette manière se trouve d'accord avec la fortune. Mais qu'aussitôt que cet accord cesse, ils deviennent malheureux. Je pense au surplus qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, que la fortune est femme. Pour la tenir soumise, il faut la traiter avec rudesse. Elle cède plutôt aux hommes qui usent de violence qu'à ceux qui agissent froidement. Aussi est-elle toujours amie des jeunes gens, qui sont moins réservés et plus emportés, et qui commandent avec plus d'audace. Chapitre 26. Exhortation à délivrer l'Italie des barbares. En réfléchissant sur tout ce que j'ai exposé ci-dessus, et en examinant en moi-même si aujourd'hui les temps seraient tels en Italie, qu'un prince nouveau pût s'y rendre illustre, et si un homme prudent et courageux trouverait l'occasion et le moyen de donner à ce pays une nouvelle forme, telle qu'il en résulta de la gloire pour lui et de l'utilité pour la généralité des habitants, il me semble que tant de circonstances concourent en faveur d'un pareil dessein, que je ne sais s'il y eut jamais un temps plus propice que celui-ci pour ces grands changements. Et si, comme je l'ai dit, il fallait que le peuple d'Israël fût esclave des Égyptiens pour connaître la vertu de Moïse. Si la grandeur d'âme de Cyrus ne pouvait éclater qu'autant que les Perses seraient opprimés par les Mèdes. Si enfin, pour apprécier toute la valeur de Thésée, il était nécessaire que les Athéniens fussent désunis. De même, en ces jours, pour que quelque génie pût s'illustrer, il était nécessaire que l'Italie fût réduite au terme où nous la voyons parvenue. Qu'elle fût plus opprimée que les Hébreux, plus esclave que les Perses, plus désunie que les Athéniens, sans chef, sans institution, battue, déchirée, envahie et accablée de toute espèce de désastre. Jusqu'à présent, quelques lueurs ont bien paru lui annoncer de temps en temps un homme choisi de Dieu pour sa délivrance. Mais bientôt elle a vu cet homme arrêté par la fortune dans sa brillante carrière, et elle en est toujours à attendre, presque mourante, celui qui pourra fermer ses blessures, faire cesser les pillages et les saccagements que souffre la Lombardie, mettre un terme aux exactions et aux vexations qui accablent le royaume de Naples et la Toscane, et guérir enfin ses plaies si invétérées qu'elles sont devenues fistuleuses. On la voit aussi priant sans cesse le ciel de daigner lui envoyer quelqu'un qui la délivre de la cruauté et de l'insolence des barbares. On la voit d'ailleurs toute disposée, toute prête à se ranger sous le premier étendard qu'on osera déployer devant ses yeux. Mais où peut-elle mieux placer ses espérances qu'en votre illustre maison, qui, par ses vertus héréditaires, par sa fortune, par la faveur de Dieu et par celle de l'Église dont elle occupe actuellement le trône, peut véritablement conduire et opérer cette heureuse délivrance. Elle ne sera point difficile si vous avez sous les yeux la vie et les actions de ces héros que je viens de nommer. C'étaient, il est vrai, des hommes rares et merveilleux. Mais enfin, c'étaient des hommes. Et les occasions dont ils profitèrent étaient moins favorables que celles qui se présentent. Leurs entreprises ne furent pas plus justes que celles-ci, et ils n'eurent pas plus que vous ne l'avez la protection du ciel. C'est ici que la justice brille dans tout son jour, car la guerre est toujours juste lorsqu'elle est nécessaire, et les armes sont sacrées lorsqu'elles sont l'unique ressource des opprimés. Ici, tous les vœux du peuple vous appellent. Et au milieu de cette disposition unanime, le succès ne peut être incertain. Il suffit que vous preniez exemple sur ceux que je vous ai proposés pour modèle. Bien plus, Dieu manifeste sa volonté par des signes éclatants. La mer s'est entrouverte. Une nue lumineuse a indiqué le chemin. Le rocher a fait jaillir des eaux de son sein. La manne est tombée dans le désert. Tout favorise ainsi votre grandeur. Que le reste soit votre ouvrage. Dieu ne veut pas tout faire. Pour ne pas nous laisser sans mérite et sans cette portion de gloire qu'il nous permet d'acquérir. Qu'aucun des Italiens dont j'ai parlé n'ait pu faire ce qu'on attend de votre illustre maison, que même au milieu de tant de révolutions que l'Italie a éprouvées et de tant de guerres dont elle a été le théâtre, il est semblé que toute valeur militaire y fût éteinte. C'est de quoi l'on ne doit point s'étonner. Cela est venu de ce que les anciennes institutions étaient mauvaises, et qu'il n'y a eu personne qui sût en trouver de nouvelles. Il n'est rien cependant qui fasse plus d'honneur à un homme qui commence à s'élever que d'avoir su introduire de nouvelles lois et de nouvelles institutions. Si ces lois, si ces institutions posent sur une base solide et si elles présentent de la grandeur, elles le font admirer et respecter de tous les hommes. L'Italie au surplus offre une matière susceptible des réformes les plus universelles. C'est là que le courage éclatera dans chaque individu, pourvu que les chefs n'en manquent pas eux-mêmes. Voyez dans les duels et les combats entre un petit nombre d'adversaires combien les Italiens sont supérieurs en force, en adresse, en intelligence. Mais faut-il qu'ils combattent réunis en armée? Toute leur valeur s'évanouit. Il faut en accuser la faiblesse des chefs, car, d'une part, ceux qui savent ne sont point obéissants et chacun croit savoir. De l'autre, il ne s'est trouvé aucun chef assez élevé, soit par son mérite personnel, soit par la fortune, au-dessus des autres, pour que tous reconnussent sa supériorité et lui fussent soumis. Il est résulté de là que pendant si longtemps, et durant tant de guerres qui ont eu lieu depuis 20 années, toute armée uniquement composée d'Italiens n'a éprouvé que des revers. Témoin d'abord le Tarot, puis Alexandrie, Capoue, Gênes, Vaïla, Cologne et Mestre. Si votre illustre maison veut imiter les grands hommes qui, en divers temps, délivrèrent leur pays, ce qu'elle doit faire avant toute chose, et ce qui doit être la base de son entreprise, c'est de se pourvoir de forces nationales, car ce sont les plus solides, les plus fidèles, les meilleurs qu'on puisse posséder. Chacun des soldats qui les composent étant bon personnellement deviendra encore meilleur lorsque tous réunis se verront commandés, honorés, entretenus par leur prince. C'est avec de telles armes que la valeur italienne pourra repousser les étrangers. L'infanterie suisse et l'infanterie espagnole passent pour être terribles. Mais il y a dans l'une et dans l'autre un défaut tel qu'il est possible d'en former une troisième, capable non seulement de leur résister, mais encore de les vaincre. En effet, l'infanterie espagnole ne peut se soutenir contre la cavalerie, et l'infanterie suisse doit craindre toute autre troupe de même nature qui combattra avec la même obstination qu'elle. On a vu aussi, et l'on verra encore, la cavalerie française défaire l'infanterie espagnole et celle-ci détruire l'infanterie suisse. De quoi il a été fait, sinon une expérience complète, au moins un essai dans la bataille de Ravenne, où l'infanterie espagnole se trouva aux prises avec les bataillons allemands, qui observent la même discipline que les Suisses. On vit les Espagnols favorisés par leur agilité et couverts de leurs petits boucliers, pénétrer par-dessous les lances dans les rangs de leurs adversaires, les frapper sans risque et sans que les Allemands puissent les en empêcher. Et ils les auraient détruits jusqu'au dernier si la cavalerie n'était venue les charger eux-mêmes à leur tour. Maintenant que l'on connaît le défaut de l'une et de l'autre de ces deux infanteries, on peut en organiser une nouvelle qui sache résister à la cavalerie et ne point craindre d'autres fantassins. Il n'est pas nécessaire pour cela de créer un nouveau genre de troupe. Il suffit de trouver une nouvelle organisation, une nouvelle manière de combattre. Et c'est par de telles inventions qu'un prince nouveau acquiert de la réputation et parvient à s'agrandir. Ne laissons donc point échapper l'occasion présente. Que l'Italie, après une si longue attente, voit enfin paraître son libérateur. Je ne puis trouver de terme pour exprimer avec quel amour, avec quelle soif de vengeance, avec quelle fidélité inébranlable, avec quelle vénération et quelle larme de joie il serait reçu dans toutes les provinces qui ont tant souffert de ces inondations d'étrangers. Quelle porte pourrait rester fermée devant lui? Quel peuple refuserait de lui obéir? Quelle jalousie s'opposerait à ses succès? Quel Italien ne l'entourerait de ses respects? Y a-t-il quelqu'un dont la domination des barbares ne fasse bondir le cœur? Que votre illustre maison prenne donc sur elle ce noble fardeau avec ce courage et cet espoir du succès qu'inspire une entreprise juste et légitime. Que sous sa bannière la commune patrie ressaisisse son ancienne splendeur et que, sous ses auspices, ses vers de Pétrarque puissent enfin se vérifier. virtù contra furore, prenderà l'arme e fial combatter corto, che l'antico valore negli italici con non è ancor morto. Fin du prince de Machiavel.